Stéphane Désiré, Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La séroprévalence de l'hépatite B serait entre 5 et 10% au Burundi, alors que celle de l'hépatite C approche 10% et augmente avec l'âge. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué du ministère de la Santé publique de ce 28 juillet, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. Désormais, les agriculteurs de la commune Emuruta, en province Kayanza, auront le droit de vendre leurs grains de maïs dans l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire Anagessa, moyennant paiement par transaction bancaire, une mesure de l'administrateur de cette commune, une décision accueillie différemment par les citoyens d'Emuruta. Et puis, une trentaine de jeunes filles de 15 à 17 ans ont fondé leur foyer dans différentes communes de la province Ouanza depuis le mois de janvier à juin cette année et la majorité enregistrée à l'état civil. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Nous débutons cette édition par la santé. La séroprévalence de l'hépatite B serait entre 5 et 10% au Burundi, tandis que celle de l'hépatite C approche 10% et augmente avec l'âge. C'est le contenu d'un communiqué du ministère de la Santé publique de ce 28 juillet, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. Il ressort de ce communiqué que 1,4 million de personnes meurent dans le monde d'une hépatite ou d'une maladie qui en découle à travers le monde, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique que le nombre de décès ne cesse d'augmenter parce que le taux de dépistage n'évolue pas. Les hépatites constituent ainsi une septième cause de mortalité dans le monde. Le ministre de la Santé publique annonce que la célébration de cette journée est une occasion de mieux faire connaître les hépatites. Lidwine Baladahana regrette que malgré les ravages provoqués par ces maladies, différentes hépatites sont encore méconnues, ne sont pas suffisamment diagnostiquées et sont insuffisamment traitées. Les cérémonies marquant la célébration de cette journée au Burundi ont eu lieu dans les enceintes de l'INSP le 31 juillet sous le thème « Hépatite n'est pas ignorée, agir maintenant ». La mesure visant le paiement par transaction bancaire des agriculteurs de la commune Emuruta en province Kayanza ayant vendu leurs grains de maïs dans l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire, Anagessa, n'a pas été accueillie de la même manière. Certains agriculteurs trouvent que c'est un moyen qui leur permettra de ne pas gaspiller leur argent au moment où d'autres agriculteurs disent que ça ne leur avantagera pas au cas où les opérations bancaires tarderait. Cette mesure a été communiquée aux agriculteurs de la commune Emuruta par l'administrateur Audas Hachimana ce jeudi, la semaine en cours. Et les détails avec Patrick Nsengiyumva. Cette mesure liée au paiement par transaction bancaire des agriculteurs de la commune Emuruta ayant vendu leurs grains de maïs dans l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire Anagessa en sigle a été communiquée aux agriculteurs de la commune Emuruta par l'administrateur communal ce jeudi. Audace Hachimana a fait savoir que cette mesure vise la sécurité de l'argent des agriculteurs, arguant que l'argent qui n'est pas gardé sur un compte bancaire pourrait être gaspillé facilement. L'administrateur communal Emuruta a indiqué que cette mesure a été prise dans le but d'empêcher les agriculteurs de garder de l'argent dans leur maison, expliquant que l'argent payé aux agriculteurs pour le premier paiement n'a pas été retourné dans des banques et institutions de microfinance. Bakanibona Sylvain, conseiller socioculteur du gouverneur en province Kayanza, a appelé également les agriculteurs à l'ouverture des comptes bancaires, car, a-t-il précisé, l'argent qui est gardé dans la banque est sécurisé tout comme son propriétaire. Toutefois, les agriculteurs de la commune Emuruta contactés à ce sujet n'ont pas accueilli cette mesure de la même manière. Certains disent se réjouir de cette mesure qui leur permettra de bien sécuriser leur argent au moment où d'autres disent que les opérations bancaires pourraient durer longtemps alors qu'ils sont dans le besoin de l'argent pour le paiement de la sortie des fertilisants. Les agriculteurs de la commune Emuruta en province Kayanza demandent d'être contactés avant de prendre des décisions qui les concernent afin qu'ils puissent donner leurs avis et considérations pour être pris en compte. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Quittons Kayanza, rendons-nous en province de Bouanza et parlons des droits de l'homme. Une centaine de jeunes filles de 15 à 17 ans ont fondé leur foyer, la majorité enregistrée à l'état civil, dans différentes communes de la province de Bouanza depuis le mois de janvier à juin cette année. Dans une réunion de sensibilisation, le responsable du projet Engagement multi-acteurs dans la planification familiale au Burundi, ce vendredi, a dit ne pas comprendre comment les agents d'état civil peuvent célébrer un mariage des mineurs. De son côté, le chef de cabinet du gouverneur de Bubanza explique que dans de cas pareils, ces jeunes font fausses déclarations de leur âge. Spes Caritas Kabanyan. Au niveau du district sanitaire de Bubanza, qui compte deux communes, Mosigati et Bubanza, les jeunes filles âgées de 15 à 17 ans qui se sont légalement mariées sont au nombre de 33 de janvier à juin cette année. Celles qui vivent avec leur mari en union libre se comptent à deux selon les responsables sanitaires qui les ont reçus lors de l'accouchement. Au niveau du district sanitaire de Manda, qui compte trois communes, Manda, Gihanga et Rugazi, 95 filles de 15 à 17 ans ont été enregistrées pour le mariage à l'état civil de janvier à juin cette année et 7 autres vivent en union libre, ce qui fait un total de 137 jeunes filles de 15 à 17 ans qui ont fondé leur foyer cette année. Dans une réunion de sensibilisation dans le projet Engagement multi-acteurs pour la planification familiale au Burundi, tenue ce vendredi à Bubanza, Dr Annick Gahimbare, chef de projet, a dit ne pas comprendre comment les agents de l'état civil peuvent célébrer un mariage d'une mineure et précise que c'est aussi l'une des causes de la pression démographique au Burundi puisqu'elle commence à se reproduire avant le temps. Jean Bosco Nduwimana, chef de cabinet du gouverneur de Bubanza, a expliqué que ces jeunes utilisent des cartes d'identité fraudées pour tromper les agents d'état civil en déclarant l'âge qu'ils n'ont pas. Mais c'est un problème qui est en train d'être résolu actuellement puisque pour donner une carte nationale d'identité, on doit bien enquêter et les administratifs à la base doivent confirmer qu'ils connaissent bien le demandeur. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Nous poursuivons avec cette édition. 54 machines à coudre ont été données à une coopérative des femmes du chef-lieu de la province Changuzo. C'était ce vendredi. Après 6 mois de formation en couture, ces femmes ont également reçu des certificats de formation attestant qu'elles peuvent vaquer au métier de couture avec efficacité. Le gouverneur de la province Changuzo salue l'aide apportée par l'ambassade de France au Burundi et d'appeler à ces femmes de sauvegarder son matériel. Raymond Moudende. Les 54 machines à coudre ont été données aux femmes réunies en coopérative de couture. Il s'agit des femmes de diverses origines, car certaines d'entre elles ont terminé leurs études mais n'ont pas été embauchées par l'État. D'autres n'ont pas terminé le cursus scolaire, tandis qu'il y a même celles qui n'ont pas fréquenté l'école. Le point commun pour toutes ces femmes, c'est le métier de couture qu'elles exercent ensemble. Ainsi, selon elles, depuis qu'elles ont commencé à travailler en coopérative de couture, elles ont bénéficié d'un appui qui leur a permis d'amorcer des études en couture. Boniface Banyezako, gouverneur de la province de Changuzo, qui a reçu les activités de remise de certificats à ces femmes par l'ambassade de France au Burundi ce vendredi à Changuzo, a salué le courage de ces femmes et appelle à d'autres à se rassembler en coopérative pour se développer, d'autant plus qu'il est difficile d'avoir accès à la fonction publique. Selon lui, il est clair que les femmes peuvent se créer un emploi. Il a demandé à l'ambassade de France de toujours soutenir de telles initiatives, surtout aux femmes qui n'ont pas encore d'emploi. Et signalons que sur 60 femmes qui ont suivi la formation en couture, 54 ont eu leur certificat. Depuis Changuzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Et parlons sport à présent. 100 élèves en provenance de différentes écoles de la ville de Bujumbura ont bénéficié dans une période de 8 mois d'un programme de formation basé sur les différentes disciplines de sport ainsi que les valeurs olympiques, à savoir l'excellence, l'amitié et le respect. Lors de la clôture de ce programme ce samedi, Dr Célestin Vutsebanga, directeur du centre Olympafrica, a indiqué que ce centre compte encadrer les enfants en vacances à partir de samedi de la semaine prochaine. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. C'est un festival qui clôture un programme sportif de 8 mois. Et ce programme est basé sur l'éducation pour les jeunes et pour les enfants à travers les valeurs olympiques, à savoir l'excellence, l'amitié et le respect. Et c'est un programme qui vient de se clôturer après 8 mois, qui a connu une participation de 100 enfants, dont 50 filles, 50 garçons. Et quelles sont les matières qui ont été dispensées durant cette période de 8 mois? Je vais parler de deux grands ensembles d'enseignement. Premier ensemble, c'est un ensemble de disciplines sportives, à savoir le football, l'athlétisme, le volleyball et basket. Ça, c'est le premier ensemble. Le deuxième ensemble est réservé sur ce qu'on appelle la pédagogie sociale. Et cela lie les objectifs du sport à la vie sociale. Ces objectifs sportifs doivent normalement se connecter aux objectifs de la vie. Quels sont les critères de sélection pour ces jeunes qui ont bénéficié de ce programme? Les critères de sélection, le centre collabore avec 10 écoles. Sur ces établissements, nous avons un encadré ici de l'école. Pour les 100 élèves, on a choisi 10 élèves dans chaque établissement avec 5 garçons et 10 filles. Après ce programme, comptez-vous encadrer d'autres élèves qui sont en vacances? Oui, après ce programme, il est prévu l'encadrement des enfants en vacances qui commence samedi prochain. Et ça, c'est un encadrement général qui réunit à la fois les scolarisés et les non scolarisés. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La goyave est l'une des meilleures sources de vitamine C parmi les fruits. Une portion de 100 g de goyave fournit plus de 200% de l'apport quotidien recommandé en vitamine C. Cette teneur élevée en vitamine C en fait un excellent choix pour renforcer le système immunitaire et prévenir les maladies. Selon Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, le point avec Jean-Marie Mayonga. La goyave est l'une des meilleures sources de vitamine C. Selon Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, il explique que la goyave, grâce à sa teneur en vitamine C, aide dans le renforcement du système immunitaire. Il commence à nous décrire ce que c'est la goyave. La goyave, c'est un fruit de goyavien, arbre de la famille des myrtacins qui paient atteindre 6 mètres de hauteur. Comme sa propriété est aussi indication, la pulpe de goyave est pauvre en protéines et en graisse et aussi en hydrates de carbone. Mais il faut surtout citer sa teneur, surtout en vitamine C. Avec ce 183 mg par 100 g, la goyave est l'un des fruits les plus riches en cette vitamine. La goyave, selon ce chercheur, possède des caroténoïdes, qui est une substance qui aide dans le bon fonctionnement de cellules. La goyave contient également de petites quantités d'acides organiques comme le citrique et l'omalique, qui favorisent l'absorption de la vitamine C et lui donnent son goût acide typique. La goyave contient aussi des caroténoïdes. Ce sont des substances qui, dans l'organisme, se transforment en vitamine A et qui exercent une action antioxydante puissante sur nos cellules. Les variétés ayant une pulpe rougeâtre sont plus riches en carotène et contiennent du lycopène. La goyave contient aussi des fibres végétales en grande quantité sous forme de ce qu'on appelle la pectine et aussi des mucilages. Selon Jean-Paul Ouineza, la goyave, grâce à sa vertu antioxydante, permet de prévenir le cancer et la présence de la vitamine A aide à améliorer la vision. La goyave contient des vitamines E ainsi que des calcium, magnésium, fer et aussi le minéral le plus abondant qui se trouve dans la goyave est le potassium. La goyave est relativement riche en oligo-éléments comme le zinc, le cuivre et aussi le manganèse. La goyave est cultivée depuis plus de 2000 ans en Amérique du Sud. Même au Burundi, cette plante est cultivée. Jean-Marie Mayonga, et c'est par ici que s'achève cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis.